seconde, t'as mis le pression parce que ma mère est un peu petite comme un gars. Les hommes du container se croyant des vrais gangsters, tous les moyens sont bons pour faire passer ses nerfs. T'es passé le système de merde qui fera que la bombe sera bien moins vénère. Calme tes nerfs, oui mon pote, il fera sinon tu vas faire pleurer ta mère. Toute la joue donc ta croyante les montagnes, mais tout le monde sait que tu as le seum là. Et yo, tu es les conseils de ta maman de le voir, que la jeu scar là. Toute la joue donc ta dépression quand son maman arrête un peu, t'es connu les gars. Yo, tu es les conseils de ta maman de l'ouah, de la jusqu'à là. Toute la journée, bon, t'as mis du gréchon quand chez maman arrête un peu tes conneries, gars. Mais si elle amène chez nous, si ta voix, tu as maté la télé, t'es nerfs, se sont pris aujourd'hui pour des soldats. Mais comment faire pour stopper cette merde là? Mais dis-moi comment faire pour stopper cette merde là? Enfin, y'a des mecs de ce système qui fait des moutons plus taille. On les mette dans l'arène, on les prend pour des yens. On leur laisse que des miettes. Comment veux-tu que ça aille dans leur tête? Hey yo, tu es les conseils de ta maman de l'ouah, de la jusqu'à là. La joue quand t'as mis du crèche encore, chez maman arrête un peu, t'es conneries gars. Hey yo, tu es les conseils de ta maman de l'ouvrir, te la jusqu'à là. La joue quand t'as mis du crèche encore, chez maman arrête un peu, t'es conneries gars. Putain, plus le temps avance, plus on prend ton manigance, se donne, il n'a plus l'enfant, t'as vu, on en est à outrance. La jeunesse se porte plus qu'à la violence, mais comment agir dans le monde de finance? Mais que fait-on pour la jeunesse en France? Mais que fait-on pour la jeunesse en France? De ta maman de l'ouvrir, de la jusqu'à là. Du cadeau dans ta mère, tu crèches encore chez maman, arrête un peu, t'es conneries, gars. Hey you, tu les conseils de ta maman de l'ouvrir, de la jusqu'à là. Du cadeau dans ta mère, tu crèches encore chez maman, arrête un peu, t'es conneries, gars. Putain, plus le temps passe, notre jeunesse se fracasse. Les citables de l'une pétasse, pourquoi je dis Elias? Les vrais dades de l'une escarlate, n'écoute même plus les conseils de la maman. Mes frères remplissent leur cimetière, écoute la jeunesse des fermes. Mais moi, soldat de Dieu, alors fier comme un lion, armé de mon tronc, je poursuis ma mission. Un peu conscient comme éducation, ah wouh! Hey yo, tu es les conseils de ta maman de l'ouah, te la jusqu'à rara. Tu te la joues quand t'as mis tes crèches encore chez maman, arrête un peu tes conneries, gars. Hey yo, tu es les conseils de ta maman de l'ouah, te la jusqu'à rara. Tu te la joues quand t'as mis tes crèches encore chez maman, arrête un peu tes conneries, gars. Hey yo, tu es les conseils de ta maman de l'ouah, te la jusqu'à rara. Tu te la joues quand t'as mis tes crèches encore chez maman, arrête un peu tes conneries, gars. Hey yo, tu es les conseils de ta maman vouloir, te la jusqu'à rara. Tu te la joues quand t'as mis tes crèches encore chez maman, arrête un peu tes conneries, gars.